préparé au Big Bang. Derrière tous, des clics de ouf, des bits à casquette, des Big Band. Qu'est-ce qui se passe, mec? Des types scandent, qu'ils font le shit et coke. Sentent le fric, descendent de flics, les petits bandes. Devant les films de gang vite, on t'atomie, monte. Stop ta vidéo de Montana, Tony. Pompe ton anatomie, fusil à pompe et j'l'asprit. Pour que tous restent en vie, vos vies sont grillées. Comme la gold dans un survêt loto. Ou un tueur qui laisse sa photo. Lueur dans le regard, un front plein de tueurs, une peau noire. Un esprit clair pour le Nesby. La rue au casino comme Pacino et Pecci. Entre nous, trop de concurrence comme Coca et Pepsi. Comme si c'était l'épilepsie. Ça secoue sur du Mako, ça défile des filles épilées en brouille. Eh, mais c'est Mako, ça. Des bouteilles de whisky se cassent comme dans les saloons. On dirait une scène dans Platoon. C'est la merde, frère. J'ai de la force pour les frères. Où est mon trône? Retour aux pyramides, nique les clones. J'ai de la force pour les frères. Les étoiles, mes seuls guides. Retour aux pyramides après des royal siècles. Comme l'aigle, j'ai l'œil du tigre. Comme Rocky, tant qu'ils sont gros, qui barrent mon style en drogue. Prenons le fric avant qu'ils crient. Bigre merde, t'inquiète, j'ai le croquis, le plan. Pour les faire raquer, allume l'herbe. Pour le partage du blé. Qui prend quoi? Je veux pas me faire doubler. Tu me comprends, je bats de quiproquo. Direction les Caraïbes, noix de coco. Au tiède comme le sirocco. Fille exotique pour un mec classé X comme Rocco. La haine me motive, j'ai un train de plus, je conduis la loco. Motive, détache les wagons. Née l'année du dragon. J'ai eu mon pote, ilophile. Pour un deal où on pouvait mettre pile au mille. Un plan géant comme Shaquille O'Neal. C'était ça ou sinon. Des bisous, y'a déjà autant de gars sur le filon. Que de frères en prison, du pédophile aux Philippines. Donc tranquillon, prends quelques kilos de muscles juste en cas d'attaque. J'ai de la force pour les frères. Où est mon trône? Retour aux pyramides, nique les clones. J'ai de la force pour les frères. Les étoiles, mes seuls guides. Retour aux pyramides après des siècles. Mon rap choc comme une nonne qui fume le crack à Vincennes. Tatoué, sapé très sexe, bafoué pour Vincennes. Un défilé de 5 pets avec rien que des noirs ou un nain homo qui danse le pogo avec 10 skins. Gas comme un bec benzène, moi c'est break dance boogie. Les tiens font mes skins, je représente les miens comme Denzel. Ex rookie frère, digne jamais plein de zèle. Et sur mon polo, des impacts de balles forment mon logo. Les autres font rire comme Pozo, le clown se comporte comme Ozo. J'suis une félonie, anti-viking. Créer des colonies, plaque Napoléon, homme caméléon. Bing, on pille le pays comme Esrine. On envahit Virgin, les villas et les villes, les piscines. On boit de la tequila, ma famille, mon cocon, chocon, nos ex-colons. Embrochés du cul au cou par des sexes trop longs. Des tresses sous un collant dim, des dimes, des decks trop longs. J'vois rouge comme les pots, parqué dans les réserves. J'couche avec le Black Sco, squatte leur tipi, pire qu'un hippie. J'respire du pavot, pas vous. J'grave la vraie vie dans le pavé, comme les gars des grottes de Lascaux, comme Vasco, de Gamma. J'suis à la recherche d'espace vierge, j'ai infiltré. Comme Donnie Brasco dans la mafia. Donc je suis parano, speed comme Martin Payne. Sous cocaïne, j'ai la haine jusqu'au jean. Calvin Klein, je représente mon clan. J'ai le feeling comme Marvin Gaye, trop de flûteurs. Je suis un king comme Martin Luther. On s'organise, on crée nos propres trucs. Avant que tout explose, faut qu'on s'arme. J'ai de la force pour les frères. Où est mon trône? Retour aux pyramides, nique les clones. J'ai de la force pour les frères. Les étoiles, mes seuls guides. Retour aux pyramides après des siècles. Un big up aux X-Men. Retour aux pyramides. Tiens, vive le rap français.